Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une interview de Guillaume Carnino, qui est professeur d'histoire des sciences et techniques à l'université de Compiègne, pour son ouvrage « L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel ». C'est paru au Seuil en 2015. Il y a une petite présentation générale de l'ouvrage dans l'interview. Depuis plus d'un siècle, les expressions abondent qui parlent de la science avec un grand S. La science a prouvé que l'univers a été créé à partir du Big Bang. La science a prouvé que notre ADN évolue. La science a prouvé qu'il fallait lutter contre le changement climatique causé par l'activité humaine. La science a prouvé que, etc., etc. Indépendamment des contextes, comment se fait-il qu'à chaque fois on parle de la science au singulier, alors qu'il existe une quantité de disciplines, de la chimie à l'astrophysique en passant par la génétique, des sciences expérimentales, les sciences humaines ? Le fait que toutes ces disciplines soient englobées au sein d'une science avec un grand S, le fait que cette science unique devienne une sorte d'entité abstraite, capable de déterminer dans toutes les circonstances ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, tout cela devrait attiser notre sens critique. Derrière cette entité abstraite qui se proclame neutre, pure, objective, indifférente aux intérêts individuels, vouée à la recherche de la vérité, au progrès de l'humanité, est-ce qu'il n'y a pas finalement au contraire des choses un peu plus troubles qui se passent, des formes de domination qui se construisent ou qui se renforcent discrètement, des luttes de pouvoir qui se mènent non seulement entre les scientifiques eux-mêmes, mais aussi entre les scientifiques et le reste de la population? En bref, la science est-elle si neutre que ça? Est-ce qu'elle n'est pas aussi une idéologie placée dans les mains du capital, des classes dominantes ? Pire encore, est-ce qu'elle n'exerce pas une forme de pouvoir dans la société, et un pouvoir d'autant plus incontestable qu'il est censé énoncer la vérité ? Par conséquent, la lutte contre l'autorité ne doit-elle pas en passer aussi par une lutte contre l'autorité de la science ? Donc ce sont un peu les questions qu'on va aborder ce soir en compagnie de Guillaume Carnino, qui est, pour te présenter rapidement, ancien ingénieur informaticien, maître de conférence en histoire des sciences et des techniques à l'université de technologie de Compiègne, et qui est auteur de l'ouvrage pour lequel on te reçoit ce soir, un ouvrage qui est intitulé « L'invention de la science, la nouvelle religion de l'ère industrielle », la nouvelle religion de l'âge industriel, et c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors, la première question pour introduire un peu à la présentation de ton livre et puis à la réflexion qu'on va essayer de mener ensemble. Ton livre a un titre doublement provocateur. C'est-à-dire que tu parles de la science comme d'une religion de l'âge industriel, et on va revenir dessus tout à l'heure. Mais tu parles aussi d'une invention de la science, comme si la science n'avait pas existé depuis l'Antiquité ou la Renaissance, comme on a l'habitude de le dire en faisant référence par exemple aux mathématiques dans la Grèce antique ou à Galilée. Non, pour toi, la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, la science au singulier, la science comme on pourrait dire comme institution sociale et symbolique, elle apparaît plutôt à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Alors la question qu'on serait tenté de te poser, c'est pourquoi à cette époque-là, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui fait que cette science au singulier avec un grand S apparaît à ce moment-là ? Alors ça, c'est une très vaste question, j'essaie d'y répondre dans les 300 quelques pages du bouquin. Il y a plusieurs facteurs, il y a des facteurs industriels, il y a des facteurs politiques, on pourra revenir dessus, mais peut-être juste tout de suite dissiper un malentendu. En effet, t'as eu raison de le souligner, cette idée selon laquelle la science serait inventée aux alentours de fin 18e, début 19e siècle est très contre-intuitive, parce que par la science, nous on entend, comme tu l'as dit, les mathématiques, la physique, la biologie, etc. Et ça, ce sont des choses qui, même si elles ne s'appellent pas toujours pareil, existent en effet depuis très longtemps. Donc mon propos n'est pas du tout de dire qu'on a inventé la physique et les mathématiques au 19e siècle. ça c'est évident, ça existe avant. Par contre, si on ouvre par exemple un ouvrage d'Alexandre Savérien, un nom un petit peu ironique pour quelqu'un qui veut faire une encyclopédie en plusieurs tomes de toutes les connaissances, en 1772, eh bien ce monsieur Savérien écrit 8 tomes, et ces 8 tomes de l'histoire de la philosophie contiennent de l'histoire du droit, mais aussi de l'histoire de la physique, de l'histoire de la chimie, de l'histoire des mathématiques, de l'histoire de l'astronomie. Et donc on voit que, en gros, le grand chapeau dans lequel on regroupe les disciplines que nous on appelle des sciences, à l'époque, c'est la philosophie. Et donc quand je parle de l'invention de la science au cours du 19e siècle, c'est bien cette idée qu'on a produit, à un moment donné, un nouveau terme, un nouveau grand ensemble dans lequel on regroupe toutes les disciplines existantes auparavant. Et cette invention-là, elle va avoir des répercussions très fortes. Dans un autre temps, on a aussi le fait que la science, le terme, existait auparavant, mais il n'avait pas le sens que nous on lui porte aujourd'hui. Quand on lit Rabelais, il y a beaucoup de rédactions de collégiens et collégiennes qui sont précisément écrites sur cette thématique, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, ce que Rabelais veut dire, il parle absolument pas des scientifiques en blouse blanche dans des laboratoires à l'aube du troisième millénaire. Hein. Évidemment, il parle de ce qu'il a sous les yeux, et il pose des questions notamment religieuses. Ce qu'il veut dire, c'est que une connaissance qui ne serait pas informée au savoir divin, eh ben, pour lui, elle serait fausse. Évidemment, c'est pas du tout l'idée qu'un scientifique doit avoir une morale et ne pas construire de bombes qui vont détruire la planète ou je ne sais quoi. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il faut du tout penser ce que Rabelais pense nécessairement, hein, mais simplement que la science au sens ancien du terme, ça n'est pas une connaissance rationnelle, mathématisée, expérimentale, de laboratoire, c'est un savoir. On peut avoir la science du sens de la répartie, la science de l'équitation, et je me suis amusé à retrouver quelques anciens titres d'ouvrages, hein, on trouve des choses comme Turlututu ou la science du bonheur, poème héroïcomique en vers et en 8 chants, ou alors même l'art de foutre en 40 manières, ou la science pratique des filles du monde, qui est un manuel de prostitution, tout ça sont des ouvrages qui datent du XVIIIe siècle. Et on voit bien que la science renvoie simplement à l'idée d'une forme de connaissance. Mmh. Et alors, pourquoi est-ce qu'il se produit cette transformation entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle ? Grosso modo, enfin, la période que tu cernes, c'est 1750-1850, et puis après la Troisième République. Pourquoi est-ce que ça se passe à ce moment-là, en France, en sachant que bon, ton ouvrage est centré sur le cas français, mais il est sans doute généralisable à une échelle européenne ou occidentale plus large ? Oui, alors il y a d'autres études qui ont été faites, pas forcément avec la même visée que ce que j'ai fait, mais qui montrent assez bien que, en gros, la périodisation que tu cites, c'est la bonne sur l'ensemble des pays occidentaux. C'est deuxième moitié du 18e, première moitié du 19e, c'est le moment pour la Wissenschaft allemande, pour la science anglaise, pour la science française. C'est le moment où on a en effet l'émergence massive de ce vocable qui renvoie à l'idée de désormais c'est la vérité, c'est la connaissance vraie, parce qu'elle est mathématisée, rationnelle, etc. Alors pourquoi sur cette période ? Il me semble qu'il y a plusieurs facteurs, en effet, pour le dire assez vite. Ce qui me semble vraiment important et assez, assez général à cette situation, c'est au moins deux éléments, peut-être trois. Donc, tout d'abord, une question de professionnalisation. En gros, au XVIIIe siècle et avant, les savants, ceux qui pratiquent ce que nous, aujourd'hui, on appelle science et que eux, ils appellent philosophie naturelle, ce sont des aristocrates ou des religieux. Ce sont des gens qui ont du temps, soit parce qu'ils vivent une vie monacale, soit parce que ce sont des nobles qui n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils vivent de leur rente. On peut penser au marquis de la Place, même si c'est un peu plus tardif. On peut penser à Grégoire Mendel, bref, à tous ces personnages qui, dans leur temps libre, travaillent sur cette activité savante. Et ce qui se passe au 19e siècle, de façon assez massive, un tout petit peu plus tôt en Angleterre encore que, c'est la professionnalisation. Désormais, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont payés pour produire ce que l'on se met à appeler la science. C'est très classique, hein, quand il y a une nouvelle profession qui se crée, ben, on trouve un mot qui va avec. Hein, mm-hmm. Ça, c'est vraiment un phénomène très, très classique. Et donc là, ces gens-là, on va les appeler les scientifiques. Et donc, autant le terme de science existait auparavant, mais il change de sens pour prendre le sens que l'on a dit, d'une connaissance mathématisée, rationnelle, expérimentale. Autant le terme de scientifique n'existe pas avant le 19e siècle. Il y en a quasiment, enfin même, ce sont des apaxes ou des néologismes, enfin des termes qui n'existent pas, des occurrences très rares. Le terme scientifique est inventé pour décrire ces gens dont le métier consiste à faire de la science. Et ça, c'est très nouveau, c'est un premier point, ça participe avec... C'est lié au développement de l'université aussi telle qu'on la connaît, même si ça existe au moins dès le Moyen-Âge. Mais en tout cas, voilà, au 19e siècle, ça se développe assez massivement. Donc un premier effet, un effet de professionnalisation. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir dessus, mais les deux autres phénomènes qui me semblent fondamentaux, c'est la question politique et la question industrielle. La question industrielle, parce que les débuts de ce que l'on a appelé, même si le terme est discutable, révolution industrielle, en gros les débuts de l'industrialisation, eh bien c'est un phénomène qui ne s'opère pas grâce à ce qui se passe dans les laboratoires. En gros, hein, les débuts du chemin de fer, de la machine à vapeur, tout ça sont des artisans qui, aussi bien collectivement qu'individuellement, il faut regarder au cas par cas, petit à petit transforment les pratiques, s'insèrent dans un univers marchand de plus en plus globalisé, d'abord nationalisé, français puis internationalisé. Et c'est cette production progressive de l'univers industriel qui va produire en effet ce que l'on va appeler a posteriori la révolution industrielle. Mais ce qui est très important dans cette première histoire de l'industrialisation, hein, qui commence dès le XVIIIe siècle, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin de savoir savant pour ces productions. Ce sont des gens dans leurs ateliers qui bricolent, qui bidouillent. Et vraiment, la bidouille, le bricolage, la réparation, c'est ce qui est au cœur des débuts de l'industrialisation, au sens où on pourra l'entendre par la suite avec des chaînes de production. Et il y a une grande transformation à mesure que les processus industriels se complexifient. À mesure que ces processus se complexifient, c'est plus possible avec deux bouts de ficelle dans son atelier de rogner un morceau de métal, d'agencer un tuyau avec un autre, de faire une pile dans son coin, etc. Il faut désormais avoir un savoir qui soit suffisamment reproductible, c'est-à-dire industrialisable, pour être en mesure de produire des chaînes de production qui vont pouvoir bénéficier aux investisseurs de capitaux. Donc là, on a ce deuxième élément très fort, hein, dans la nécessité qu'émerge une forme d'unification d'une activité qu'est la science. C'est le fait qu'on a besoin de scientifiques pour faire tourner les usines, tout simplement. Hein. Mmh. Donc là, on a en effet cette dimension qui me semble absolument cruciale, sera peut-être, à mon avis, c'est peut-être même la principale. La professionnalisation est liée, hein, à ce phénomène qui est nécessaire pour les industries, d'avoir des gens dont le métier va consister à améliorer les processus qui permettent d'avoir une rentabilité industrielle. Et un dernier point qui à la fois est spécifique au cas français, mais qu'on peut retrouver un peu partout ailleurs, c'est la question politique. Dire quelque chose comme « la science dit la vérité », ça consiste à dire aussi que ceux qui ne disent pas officiellement « nous sommes des scientifiques », eh bien ne disent pas la vérité. Et donc politiquement, ça permet d'exclure un certain nombre de personnes du champ de la discussion publique, démocratique, du débat, des controverses. Et donc, c'est une façon politique d'affirmer une expertise contre laquelle plus personne ne peut rien dire. On pourra peut-être reprendre des exemples un peu plus précis à divers moments. Oui. Donc voilà, trois phénomènes, professionnalisation, industrialisation et transformation de l'espace politique à l'époque avec une forme d'accaparement du pouvoir par des experts. Alors, il y a un autre élément sur lequel tu insistes dans le livre, c'est le fait que cette science, au singulier avec un grand S, finalement, elle repose toujours sur une dichotomie, qui en fait est une fausse dichotomie, qui est le fait qu'on distingue toujours entre la science pure et la science appliquée. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que même encore aujourd'hui, lorsqu'on conteste des scientifiques dans leur activité, je pense, des gens qui travaillent sur les OGM ou qui travaillent sur les biotechnologies, lorsqu'on leur dit mais vous rendez compte que ce que vous produisez en termes de recherche pure a des applications concrètes extrêmement dangereuses et que les deux sont consubstantiellement liés, eux, au contraire, rétablissent toujours sa distinction entre science pure et science appliquée pour se dédouaner en fait de ces effets nocifs sur le plan social, politique, sanitaire, etc. Et toi, tu montres en fait dans ton livre que la science, c'est aussi cette idéologie qui veut que science pure et science appliquée soient complètement différenciées l'une de l'autre. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Je pense que tu as vraiment raison de souligner ce point-là. Deux choses là-dessus. Tout d'abord, j'ai essayé de traquer dans les textes le moment où l'idée de science pure apparaît aux alentours des années... C'est vers 1848 qu'on en trouve les premières occurrences, mais c'est principalement sous le Second Empire, entre 1850 et 1870 en gros. Et ce qui se joue à l'époque, les premiers endroits où on entend parler de science pure, de façon complètement paradoxale, on pourrait penser, et il me semble qu'en réalité ça ne l'est pas tant que ça, c'est précisément dans les textes de savants qui disent en permanence auprès des pouvoirs politiques et industriels, nous allons produire des choses qui sont très utiles pour vous, et en même temps qui disent tout le temps qu'ils font de la science pure. C'est vraiment très très déroutant au départ, hein, et j'ai même essayé de retracer un peu par le menu la carrière de Louis Pasteur, vraiment s'il y a un scientifique, peut-être Einstein, ça fait partie vraiment des scientifiques qui sont vraiment le plus mis au panthéon, enfin érigé au panthéon aujourd'hui international, hein, des grands savants. Je crois que même en 1922, les États-Unis, l'un des présidents américains déclare que Louis Pasteur appartient au patrimoine aussi américain. Donc vraiment cette idée que voilà, tout le monde les connaît, tout le monde les adule. Louis Pasteur, qui apparaît comme le savant désintéressé, qui a, grâce à son travail, réussi à mettre en œuvre des nouvelles méthodes pour soigner les gens, etc. Louis Pasteur, toute sa vie, du début à la fin de sa carrière savante, ne fait jamais rien d'autre que de travailler main dans la main avec l'industrie. On pourra rentrer peut-être un peu plus dans les détails, mais pour le dire très vite, il commence dans les vinaigreries, il s'intéresse à l'industrie de la bière, du vin, de la sériciculture, c'est-à-dire des vers à soie. Il travaille ensuite sur les poules et les moutons dont les élevages sont décimés, alors qu'en pleine époque d'industrialisation de ces élevages. Donc voilà, toute sa vie, sauf à peut-être la toute fin, le vaccin contre la rage, qui est le moment où, et encore, il y a des dimensions industrielles dans la production du vaccin par la suite, avec l'Institut l'Institut Pasteur. Mais toute sa vie, Louis Pasteur travaille directement aux prises avec l'industrie. Il s'inspire, ses problématiques sont celles que l'industrie lui donne, et en même temps, en retour, il propose des solutions pour améliorer les procédés industriels. Et quand on lit la correspondance de Louis Pasteur, ce qui est fascinant, c'est qu'il explique les deux choses en même temps. Il peut dire à la fois dans une lettre « Je suis un scientifique pur, désintéressé », il écrit à son père en disant « Il n'y a que la science pure qui m'intéresse, tout le reste ne compte pour rien, il n'est pas de question d'ego. J'ai osé affirmer qu'il n'y avait pas de question d'ego », donc c'est toujours ces choses vraiment très bizarres qui disent à la fois tout et leur contraire, hein, c'est des formes de dénégation. Et Louis Pasteur peut donc dire ces deux choses en même temps, parce que dans le même moment, il écrit des lettres où il brevette ses découvertes. Il écrit au colonel Favet, l'aide de camp de l'empereur Napoléon III, en lui disant eh bien, je vais trouver un procédé qui est extrêmement important du point de vue de l'économie et de l'industrie nationale. Donc, l'empereur doit bien avoir conscience qu'il est en quelque sorte mon obligé. Donc là, on voit bien que, pour Louis Pasteur, les deux gestes ne sont pas du tout antinomiques, parce que ce qu'il... chez Pasteur, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il n'emploie pas toujours exactement le terme de science pure, parce qu'en fait, il refuse la dénomination lui-même de science appliquée. Parce qu'il dit que la science, c'est presque une doctrine de la grâce religieuse, hein, la science au singulier, c'est comme un arbre qui aurait des fruits, et les fruits ce serait la science appliquée. Donc pour lui-même, il a bien conscience que tout se fait dans le même geste, mais quand on lit les collègues de Pasteur à l'époque, c'est eux qui emploient assez massivement le vocable de science pure sous le Second Empire, et qu'est-ce que ça signifie en fait la science pure pour eux? C'est une revendication d'autonomie sociale et politique. Parce qu'on naît à l'issue de la première décennie du Second Empire dans une situation où il y a eu un contrôle politique très fort des productions académiques et universitaires. Sous le Second Empire, on a des commissaires de police qui assistent aux séances de l'Académie, par exemple, d'anthropologie, pour être sûr qu'il n'y a rien qui soit dit qui soit contraire aux bonnes mœurs religieuses, par exemple. Et donc, dans ces circonstances-là, quand les scientifiques disent « il faut que la science soit pure », ça veut dire « laissez-nous tranquilles, laissez-nous de faire ce qu'on l'on veut, et vous en retirerez d'ailleurs beaucoup de bienfaits ». Donc, pour eux, c'est pas du tout paradoxal, en fait. Il ne s'agit pas de dire qu'ils vont faire des choses qui ne sont pas liées à l'univers économique et industriel. Au contraire, c'est leur première revendication de dire « nous sommes très utiles industriellement, il faut donc nous payer pour cela, mais pour qu'on soit le plus utile possible industriellement, il faut surtout qu'on nous embête pas politiquement. » Donc en gros, ils disent « laissez-nous faire notre travail, et ensuite on rapportera beaucoup d'argent. » Oui, c'est le côté dans nos labos, on fait de la science pure, on est coupé du monde aussi, il y a ce côté-là aussi dans science pure. Il y a aussi la religion, parce qu'avant la vérité, c'était sur la religion, ça n'a pas toujours aussi été opposé, la science et la religion. C'est ça que tu voulais dire par politique, c'est-à-dire la science émerge aussi au moment où on parle de s'opposer à l'ancien régime qui était basé, qui lui basait la vérité sur la religion. Cette idée selon laquelle science et religion auraient de tout temps été en opposition, c'est une invention des années 1860 en France, hein, en fait. Même dans les années 1840, on peut prendre l'exemple le plus typique, hein, Galilée qui aurait dit « et pourtant elle tourne, et pour si mauvais », et qui aurait été de tout temps en butte à l'Église, qui, obscurantiste, refusait en effet la question des vérités de la science et de l'astronomie. C'est totalement faux pour Galilée. Galilée, il dialogue toute sa vie avec des jésuites, il est en permanence en relation avec un nombre de moines qui travaillent sur ces questions. C'est aussi pour cela qu'il va avoir tout un tas d'ennuis. Il aurait été censé être le héros des savoirs savants catholiques, et il va se mettre à défendre les thèses de Nicolas Copernic, qui précisément, lui, était plutôt du côté réformé. Donc c'est ça qui va susciter tout un tas d'ennuis chez Galilée, enfin pour Galilée. A posteriori, ce sont les années 1860 qui inventent un Galilée anticlérical. Galilée n'a jamais été opposé à l'Église, il a eu peut-être que maille à partir avec certaines formes de l'Inquisition. Le pape Urbain VIII, qui était Maffeo Barberini, un ancien copain de Galilée en fait, hein, il se serait reconnu dans l'un des écrits de Galilée, qui le présentait comme simplicio, donc une espèce de brouille interpersonnelle aussi, mais quelque chose d'aussi massif comme la science face à l'Église, ça n'a aucun sens à l'époque de Galilée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Ce sont les années, même dans les années 1840, quand on lit les textes qui sont écrits à l'époque sur Galilée, Galilée c'est deux siècles plus tôt, hein, c'est 1564, 1642 ou quelque chose comme ça, je dis les dates de mémoire, je me trompe peut-être de quelques années, mais en gros quand on lit dans les années 1840 ce qui est écrit sur Galilée, eh bien on ne dit pas que c'est l'Église qui s'est opposée à Galilée, on dit que ce sont certains membres de l'Inquisition qui ont raté leur coup, et donc l'Église malheureusement a un peu pâti de leur stratégie politique qui était tout à fait médiocre, mais personne n'aurait l'idée d'opposer la science à l'Église, tout déjà parce que la science n'est pas du tout aussi cimentée qu'elle l'est par la suite. Ce sont les années 1860 et après pour pour beaucoup de raisons. La publication en France de l'origine des espèces, la question du débat sur est-ce qu'il a existé une préhistoire humaine dont la datation serait supérieure à ce qui est écrit dans la Bible, la question de l'origine de l'espèce humaine, est-ce que c'est un seul couple Adam et Ève ou est-ce que ce sont plusieurs couples, aussi la question de l'origine des langues. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments qui se mettent les uns avec les autres et qui font qu'à un moment donné, notamment pour des raisons politiques, les républicains vont se dire... Napoléon III commence à s'attaquer un petit peu, l'alliance entre le trône impérial et l'autel papal se lézarde pour des raisons politiques, la guerre en Italie, etc. Et donc les républicains, qui jusqu'alors étaient muselés par le pouvoir impérial de Napoléon III, eh bien se disent, on va pouvoir attaquer les catholiques. Napoléon III, ça va l'arranger, donc on va moins risquer d'être déporté aux galères et d'aller en prison ou je ne sais quoi. Et donc, il se lâche d'un seul coup et il mobilise les savoirs savants en disant, grâce à ça, on va pouvoir, en gros, casser la figure aux catholiques. Et c'est à ce moment-là que, d'un seul coup, on se met à mettre en scène cette opposition qui aurait existé de tout temps entre science et religion. Même 10 ans auparavant, ça vient quasiment à l'idée de personne. On peut penser aux affaires récentes sur, par exemple, les caricatures de Mahomet. On a un petit peu le même genre de phénomène à l'époque, hein. Et là où on pourrait peut-être ajouter une dernière chose sur cette opposition science-religion, c'est que si la bataille est si puissante et si virulente, ce qui donnera naissance à toutes les querelles autour de la laïcité dans les années 1902 et 3 notamment, hein, eh bien c'est parce que la science va revendiquer en fait une partie de ce qui était le privilège de la religion. Le fait de disposer d'une sorte de vérité universelle, la capacité à signifier le sacré du monde et à le délimiter en quelque sorte, un espace du profane et du sacré, et si les batailles vont être si violentes, c'est justement parce qu'au fond, science et religion à cette époque vont revendiquer la même place dans la société. Et pourtant, cette place-là, il n'y en a qu'une. Les deux ne pourront pas l'occuper. D'où ces batailles qui sont absolument, qui sont vraiment très violentes. Tu étais en train d'expliquer comment la religion et la science se disputaient en quelque sorte le terrain au XIXe siècle et que la science devenait une forme de religion de substitution. C'est ce que indique très clairement le sous-titre de ton livre. Du coup, j'aurais envie de poursuivre, enfin que tu poursuives la métaphore. C'est-à-dire, si c'est une religion, je suppose que son clergé, ce sont les scientifiques. En revanche, il faudrait peut-être que tu nous présentes et que tu présentes aux auditeurs en quoi consiste la foi de cette religion et quels sont ses temples, pour filer la métaphore. Alors, quelle est la foi de la science en tant que religion de l'âge industriel ? Alors, la forme la plus radicale, la plus extrême ou la plus pure, selon comment on va appeler ça, de cette religion de la science, c'est ce qu'on va appeler le scientisme. Cette idée selon laquelle, grâce à la science, tous les maux de l'humanité pourront être résolus. Donc ça, c'est l'idée absolument centrale que véhiculent des gens qui ne se revendiquent d'ailleurs pas du tout du scientisme en tant que tel, hein, qui sera surtout utilisé par les détracteurs de cette idée-là. Mais ce qui va être vraiment donc crucial, c'est le fait que grâce à la science, on pense désormais qu'on sait où l'humanité doit aller. On sait dans quelle direction elle doit se diriger. Et ça, c'est ce qui va être très important politiquement parce que ça va permettre notamment de faire taire toutes les voix qui auraient pu s'opposer au déploiement notamment de l'industrialisation. Au début du 19e siècle, il y a divers mouvements. En Angleterre, les plus connus ce sont les luddites, hein, ceux qui disent suivre les enseignements de Ned Ludd, qui est un personnage fictif qui n'a jamais existé, ou s'il a existé, c'était bien avant ces mouvements politiques-là en tout cas. Et ce sont des gens qui vont briser des machines pour refuser l'implantation de l'industrialisation pour diverses raisons, des questions liées au chômage, à l'égalité sociale, à la transformation des modes de vie, à l'autonomie et à la maîtrise technique de son milieu propre. Toutes ces dimensions, elles vont être extrêmement malmenées à partir du moment où tout le monde sera d'accord, et ça va être pour cela que la science va être véritablement érigée en religion aussi, hein. Tout le monde, dès que tout le monde est d'accord pour dire que la science nous montre la voie à suivre pour les décennies et les siècles à venir, et que cet avenir est radieux, donc personne ne peut s'y opposer, qui voudrait s'opposer à un futur radieux, il faudrait vraiment être le dernier des salauds pour vouloir faire ça, eh bien, à partir du moment où tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a plus de raison à s'opposer à l'industrialisation, puisque l'industrialisation, c'est le moyen de la science. C'est ce que la science permet de mettre en œuvre et de réaliser sur le long terme. C'est grâce à la science que l'industrie se déploie. Donc, puisqu'on est d'accord que la science ouvre le futur de l'humanité, on ne va pas non plus s'opposer à l'industrie. Ce qui correspond tout à fait à la périodisation qu'ont réalisé les historiens qu'on travaillait sur le luddisme. Hein. François Jarry, je parle bien du fait, il a écrit plusieurs livres sur cette question. Son dernier ouvrage, c'est Technocritique, sur la question de l'histoire des critiques de la technique et de la technologie. Et il montre bien qu'aux alentours du milieu du 19e siècle, on a un reflux des critiques vraiment radicales et virulentes de l'industrialisation. Les bris de machines cessent, il y en a parfois toujours, mais c'est surtout dans le cadre d'un rapport de force de type grève, où on va briser les moyens de production pour dire « donnez-nous plus un salaire supérieur » ou « des avantages », etc. Et ce qu'il montre bien, c'est que les machines en tant que machines ne sont plus brisées à partir de cette époque. Et précisément, c'est l'époque où d'un seul coup, tout le monde se met à dire « amen » à la science. Mmh. Et quand je dis « amen », ce n'est pas une figure de style. Hein. Un Victor Meunier, qui est un vulgarisateur de scientifique, hein, il écoute les conférences à l'Académie, et ensuite il écrit dans divers journaux pour expliquer le futur de l'humanité, il défend cela. Il dit « la science n'est pas encore totalement unifiée, un jour elle aura ses chairs, ses conciles, en attendant elle trouvera en nous, il parle de lui à la première personne du pluriel, en nous un apôtre ». Donc c'est bien cette idée hein, que la science, c'est ce qui permet de voir le futur radieux de l'humanité, et que grâce à cela, eh bien, les gens qui sont un peu arriérés, hein, c'est sous-entendu très souvent dans ce genre de rhétorique, qui voulaient s'opposer à l'industrialisation, eh bien, il va falloir qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre voie à suivre que cela. Oui, et cette foi dans la science, elle va assez loin dans la société, puisque là, pour l'instant, on parle des scientifiques, etc. Mais il y a même, tu cites dans ton livre un propos d'Émile Zola, qui dit « Je crois à la science parce qu'elle est l'outil du siècle, parce qu'elle apporte la seule formule solide de la politique et de la littérature de demain. C'est elle qui a ouvert la révolution, et c'est elle qui la fermera. Il n'y a plus pour l'humanité de salut qu'en elle. » Et en effet, je me permettais d'ajouter « amen », puisque oui. C'est vraiment une profession de foi, en quelque sorte, hein, qu'il fait. Alors, le contexte de cette déclaration, on est à la veille de l'exposition d'électricité, il y a eu un scrutin assez délicat, où le pouvoir était en balance, on est au début de la Troisième République, il y a du danger, puisque la Troisième République est opposée bonapartiste, orléaniste, diverses survivances d'une certaine forme de monarchisme, et donc, la victoire est acquise, et là, Zola souffle en tant que républicain, et il dit « si nous avons acquis la victoire, c'est grâce à la science ». Donc, il croit en elle, il la défend, et en plus l'exposition d'électricité va s'ouvrir, hein, et donc ça va être vraiment le moment où Paris va découvrir radieuse, hein, la cité qui va vraiment être éclairée de mille feux, et qui va montrer que face aux prouesses et aux miracles de l'électricité, qui pourrait vouloir un autre futur à l'humanité? C'est tellement beau, toutes ces ampoules qui s'allument, les gens qui font la queue pendant des heures pour entendre le théâtrophone de Clément Ader, qui permet d'entendre dans des écouteurs ce qui se passe à l'opéra, à la Comédie Française, c'est des miracles incroyables, donc évidemment tout le monde ne peut pas vouloir autre chose que ce développement-là pour les années à venir. Et donc, on continue à filer la métaphore. Donc là, tu nous parles de la foi scientiste. Et en même temps, il y a des temples dans lesquels cette science en tant que religion de l'âge industriel se développe, se fortifie, se transmet, et en particulier les universités. Alors, quelle est la place de l'institution universitaire dans ce développement de la science comme religion? Alors, tu as employé le terme de temple, c'est très juste, parce qu'en fait, il est dans la bouche et dans les écrits de Pasteur. Il dit, si vous avez foi et que vous êtes émerveillé devant précisément toutes ces incroyables miracles que l'on a sous les yeux, qui sont les miracles de l'époque, hein, la télégraphie, le chemin de fer, la galvanoplastie, ce genre de choses, des choses qui, évidemment, aujourd'hui, nous apparaissent un peu plus évidentes, eh bien, si vous êtes émerveillé devant tout cela, prenez garde au temple de la science. Il faut les orner, il faut les financer, il faut en prendre soin. Donc, c'est vraiment le terme est de Pasteur, et il dit bien, ce sont les temples de l'avenir, c'est son expression. Il dit bien, les laboratoires sont les temples de l'avenir, et où sont les laboratoires à l'époque? Ils sont à l'université. Mmh. Alors, ces dernières années, on a pu entendre, hein, il y a eu diverses questions qui se sont posées autour des réformes à l'université. On a vu beaucoup de choses autour de sauvons la recherche, il faudrait sauver la recherche, avec cette idée que certaines personnes voudraient faire entrer l'université dans l'univers économique et industriel, alors que ce n'était pas le cas avant, et donc ces gens-là seraient des salauds. Alors, je dis pas ça pour dire qu'il faut absolument faire entrer l'université à la botte de l'industrie, mais en tout cas cette vision historiquement elle est fausse, parce qu'elle prétend que ce serait très récent qu'il y aurait eu des tentatives d'intégrer l'université dans le milieu et le monde industriel, ce qui n'est pas du tout vrai, puisque les débuts de l'université massive, hein, puisqu'au début du 19e siècle on a très très peu de gens qui suivent des cursus équivalents à ce qu'on appellerait aujourd'hui licence ou baccalauréat. Pour vous donner un ordre d'idée, Louis Pasteur, il rate son bac une première fois, il doit le passer une deuxième fois, il va pouvoir par la suite intégrer l'école normale supérieure. Donc là on voit bien que la situation se massifie terriblement au cours du 19e siècle, et même si on n'est pas du tout encore au niveau, évidemment, de ce qu'il y a aujourd'hui, hein, en termes de génération entière qui fréquente les bancs de l'université ou de divers établissements du supérieur. Mais donc, massification universitaire, qui dit évidemment disposer de professeurs pour mettre cela en place. Et c'est l'époque où se met exactement en place ce qui existe toujours aujourd'hui, hein, l'idée d'enseignant-chercheur. Le fait que c'est parce que l'on fait de la recherche que l'on a des choses à enseigner aux étudiants. Donc ici, on voit bien que d'emblée, l'université, dans sa structure produisant des enseignants-chercheurs, ces enseignants-chercheurs, leur justification première, c'est bien qu'ils servent et qu'ils vont produire des choses pour l'industrie. Donc ici, hein, la professionnalisation, elle est en premier lieu en lien très étroit et direct avec l'industrialisation. Louis Pasteur, il a une carrière assez complexe, il est dans plusieurs endroits au cours de sa carrière, et à chaque fois, il a à cœur de rapprocher le plus possible, de mettre en place des cours qui sont en lien avec l'industrie. Il va être doyen à la faculté des sciences de Strasbourg, je crois, et il est là-bas extrêmement heureux de dire qu'il a un milieu industriel très dynamique, fécond, et qu'il va pouvoir ainsi emmener ses étudiants visiter les lieux industriels, leur faire découvrir tous les enjeux qui se jouent à l'intérieur, et ainsi réformer l'ensemble du cursus des études en direction de l'industrie. D'ailleurs, c'est Lille, pas Strasbourg. Bon, bref. Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1. Et aujourd'hui, c'est Guillaume Carnino qui nous parle de l'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel. C'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil en 2015. On est encore pour une grosse demi-heure avec Guillaume Carnino. Pasteur essaye de... Là-dedans, c'est quelqu'un de pratiquant, mais qui veut éviter le conflit, finalement, entre la religion et la science. Mais voilà, on peut le présenter d'une autre façon aussi. Mmh. Ça peut sembler aussi paradoxal avec notre vision d'aujourd'hui, qu'à une époque où tout le monde bataille en disant « la science s'oppose à la religion s'oppose à la science eh », ben, qu'on ait des gens qui soient très présents sur les deux tableaux. Tu as employé l'expression de pasteur et pratiquant. Je crois qu'il est pratiquant dans les deux sens du terme. Hein. Il est pratiquant scientifique et pratiquant catholique. Et d'ailleurs, lui-même défend précisément ces deux choses. Hein. Il a cette expression en disant qu'il faut créer une muraille infranchissable hein, entre science et religion. Et c'est vraiment une vision stratégique politique pour les acteurs scientifiques et catholiques de l'époque qui sont très embêtés par les batailles qui se déroulent sous leurs yeux. Puisqu'on a des matérialistes anticléricaux qui s'attaquent aux catholiques en disant « la science montre que la Bible est fausse », et de l'autre côté, on a des catholiques qui veulent absolument défendre ce qui se fait et qui sont très embêtés parce qu'ils peuvent aussi être tout à fait d'accord, et même vraiment des gens très importants dans l'université, et donc ne sont pas contents entend hein, ces pasteurs qui expliquent clairement que lui, il ne veut pas que les miracles de la science battent en brèche les dogmes de la foi. Et donc, on va assister à une sorte de recomposition stratégique chez ces acteurs qui va se transformer en une forme de partition psychologique. Ernest Renan a cette expression, un personnage très important qui écrit L'avenir de la science en 48, même s'il est publié beaucoup, en 1848, même s'il est publié beaucoup plus tard. Et à la fin de sa vie, il écrit cet ouvrage, Les dialogues philosophiques, et il a cette expression étrange où il dit que c'est très agréable comme exercice parce que faire ce qu'il appelle à cette époque de la philosophie, ça lui permet de parler de science et de religion, et ça lui permet de faire, comme il dit, dialoguer les deux lobes de son cerveau. Donc vraiment, c'est ce sentiment que les acteurs eux-mêmes de l'époque se vivent comme étant coupés en deux, d'un côté scientifique et de l'autre religieux, ici en l'occurrence notamment catholique. Pasteur dit la même chose, quand on rentre dans son oratoire, il faut fermer la porte de son laboratoire, et quand on rentre dans son laboratoire, il faut fermer la porte de son oratoire. Ce qui n'empêche qu'il y a malgré tout des enjeux politiques très forts dans ces querelles scientifiques et des enjeux religieux aussi. Pasteur fait une conférence en Sorbonne devant l'impératrice, le ministre de l'instruction publique et des cultes, sur la question de la génération spontanée. C'est une querelle qui oppose Pasteur à un protestant. Pasteur est catholique et Pouchet, Félix Archimède Pouchet est protestant. Et la question se joue autour de savoir, autour du fait de savoir si, oui ou non, des êtres peuvent être créés à partir de rien. Pouchet fait des expériences dans un certain nombre de récipients, de cornues. Il fait bouillir du foin à 100 degrés et pourtant, au bout de quelques semaines, eh bien, on voit des micro-organismes, des moisissures qui se développent. Donc il dit, la vie se crée à partir de rien car j'ai tué toute vie auparavant. Pasteur fait des expériences un petit peu différentes avec des récipients à col de cygne où il fait bouillir simplement des liquides après il dit, eh bien moi il n'y a rien qui apparaît, donc je montre qu'il n'y a pas de génération spontanée, et ce que Pasteur veut montrer c'est qu'il n'y a que la divinité catholique, chrétienne, qui peut créer la vie et que tous les êtres héritent des vivants précédents qui ont été créés une fois pour toutes par Dieu. Alors aujourd'hui, on sait que Pouchet pouvait faire ses expériences et qu'il ne mentait pas parce qu'en fait, un certain nombre de micro-organismes et de bactéries survivent jusqu'à 106, 107 degrés dans le foin. Donc c'est pour cette raison que les deux avaient raison en quelque sorte dans ce qu'ils voyaient du point de vue expérimental. Mais néanmoins, à l'époque, Pasteur commence sa conférence en Sorbonne devant l'impératrice, le ministre de l'instruction publique et des cultes, en disant « Je vais vous montrer que la génération spontanée n'existe pas, et comme cela, je vous montrerai que la foi catholique est dans le vrai. » Et après avoir dit cela, il dit « Mais tout ce que j'ai dit, en fait, ça n'a aucune importance parce que je vais vous parler seulement de science et pas de religion, et donc tout ceci n'a rien à voir avec la religion. » Donc c'est là qu'on voit qu'il y a cette partition, il se coupe lui-même en deux en se disant « Je fais des fois de la science, je fais des fois de la religion, et c'est très différent, ça n'a rien à voir. » Donc les acteurs eux-mêmes s'imaginent être coupés en deux dans cette histoire-là, comme si pour eux aussi, science et religion pouvaient être jusqu'à un certain point opposés. Il y aura même une pétition hein, qui sera signée par un grand nombre de savants anglais qui disent « Il ne faut pas que les matérialistes s'emparent des résultats de la science pour faire mentir la religion. Parce que nous ne sommes pas sûrs que ces résultats seront toujours vrais, la science évolue, et donc peut-être qu'un jour on comprendra qu'elle est en adéquation avec la Bible. » Mais alors du coup, ce qui se passe dans cette partition entre science et religion, c'est que c'est aussi une partition entre science et morale. C'est-à-dire que la religion, se faisant le porteur, de, selon la tradition, de la morale, des vertus, de l'éthique, etc., le fait qu'il y ait une sorte de répartition complète des camps entre les deux fait que la morale se retrouve placée entièrement du côté de la religion, et la science, elle, peut s'exercer et... en quelque sorte se prolonger à travers les applications techniques sans aucune considération pour les enjeux moraux, les conséquences éthiques de ces applications sur la vie humaine par exemple. Complètement, ça c'est, je pense que c'est ce que tu soulignes, c'est la partition fondamentale du point de vue intellectuel qui va s'opérer dans cette période de l'industrialisation. Je pense qu'on peut même élargir encore la question de la morale à la question de la culture, pas au sens de la culture de visiter des musées, mais vraiment la culture, ce qui fait que l'être humain vit en société, qu'il a des habitudes, des rites, des rituels, toutes ces choses-là, qu'ils soient religieux ou non. Hein. Et ce qui se joue à l'époque, c'est bien l'émergence d'une séparation entre les deux dimensions. Pour le dire de façon extrêmement caricaturale, en Grèce ancienne, ça n'a aucun sens d'imaginer que la poésie soit séparée de ce qui est la vérité du monde. Mmh. Si on lit Platon, il est très énervé contre Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'il dit Homère, il décrit les dieux, et quand nos jeunes gens, il parle des jeunes dans la cité antique, hein, lisent Homère, ils vont croire, puisque c'est de la poésie, c'est censé dire la vérité, c'est ce que pense Platon, ils vont croire que les dieux sont des êtres querelleurs, adultérins, qui passent leur temps en coucherie, à être curieux, chamailleurs, et tout ce qu'on veut, et dit, c'est très grave, parce que cette vérité qu'enseigne la poésie, eh bien elle est fausse, donc c'est pas une vérité, et donc c'est très problématique pour lui socialement. Et c'est pour ça que Platon est énervé contre Homère. Ce qui s'opère au 19e siècle, c'est la séparation entre ces deux éléments. L'un des plus fins analystes de cela à l'époque, c'est Ernest Renan, qui a cette expression, il dit « la religion désormais, c'est surtout réfugiée dans le cœur ». En gros, il dit « la science dit la vérité matérielle du monde, et la religion, elle va dire la vérité culturelle, la vérité morale de l'individu. La science nous parle de la matière, et la religion nous parle du vécu ». Et ça, ce qui est très, il me semble d'ailleurs, très dangereux et très grave, hein, et qui va avoir beaucoup de conséquences jusqu'à un certain point dramatique, c'est que désormais, on ne peut plus exister dans les deux lieux en même temps. Évidemment, quelqu'un comme Pasteur peut à la fois être très croyant et être un savant de premier plan, mais néanmoins, son savoir savant n'est pas censé lui permettre de dire la vérité morale de la société. Et inversement, son point de vue moral sur la société n'est pas censé pouvoir changer quoi que ce soit sur la production savante et industrielle de l'univers contemporain. Et ça, c'est quelque chose que un philosophe qui s'appelle, enfin historien au départ, mais philosophe dans un grand nombre de ses écrits, Bernard Charbonneau, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Nuit et jour, et c'est la métaphore Nuit et jour. L'ouvrage est sous-titré Science et culture. Parce que c'est cela qu'il veut dire. Il dit « l'aube de nos sociétés industrielles », Charbonneau emploie cette expression de « grande mue », et il parle en gros de cette période du 19e dont on parle, hein, et il dit « la grande mue, celle qui va transformer les sociétés avec l'industrialisation, qu'est-ce qu'elle produit ?» Eh bien, elle produit une séparation entre deux choses qui ne peuvent plus jamais être ensemble. La nuit et le jour, par définition, il ne peut pas faire nuit quand il fait jour, il ne peut pas faire jour quand il fait nuit. Et donc, il dit « c'est la même chose avec la science et la culture. Désormais, on est dans un univers où il y a des gens qui disent la vérité de la science et donc du monde matériel, et il y a des gens qui peuvent avoir des points de vue et discuter de la vérité du monde précisément moral et culturel. Mais ces choses-là ne peuvent plus se rencontrer. Ces choses-là ne sont plus dans les mêmes espaces. Alors bien sûr, on peut toujours trouver à la marge des gens qui disent « oui, mais la sociologie est scientifique, elle parle du vécu et la psychologie et je ne sais quoi ». Donc il y aura une infinité de débats autour de ça. Mais néanmoins, principialement, la physique ne parle pas de morale et la philosophie ne parle pas de la constitution véritable matérielle du monde. Elle peut s'inspirer de travaux de physiciens pour en parler, mais ce n'est plus elle qui détermine la vérité matérielle du monde. Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que désormais, on a des gens qui vont être très qualifiés pour transformer matériellement le monde. En caricaturant, on a des gens qui vont participer au projet Manhattan, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, vont effectuer la première expérience avant le largage de la bombe sur Hiroshima puis Nagasaki, et l'expérience dans le désert américain, où ils se posaient la question, avant que l'expérience ait lieu, de la première explosion atomique, hein, en taille réelle, il était possible, selon leurs calculs, hein, que cela embrase totalement l'atmosphère terrestre, sur la totalité de la planète. Et pourtant, ils ont réaliser cette expérience. Donc là, on voit bien que jusqu'à un certain point, être scientifique, l'apprentissage de la science, ça en vient à terme à abdiquer de toute question morale sur son activité. Et inversement, faire profession de, non pas de moraliste, puisque c'est aujourd'hui une profession qui est plus qu'en désuétude, mais en tout cas, ce qu'on appelle par exemple les sciences humaines, ou la question civique de l'éducation politique, ou de ce genre de choses, désormais, on considère que cela n'a plus rien à voir avec ce qui consiste à dire la vérité du monde. Dans ses points les plus extrêmes, on peut penser à la poésie. Je citais la poésie antique qui définissait encore des formes de vérité. La poésie contemporaine, on sait bien, la poésie, ça renvoie un peu à la folie, ça renvoie un peu à tout ce qui est très étrange, qu'on ne maîtrise pas, c'est de l'art. L'art, désormais, il ne dit plus la vérité du monde. L'art, désormais, ne fait que parler du vécu humain. La vérité, elle est du côté de la science. Mais par contre, la science, ça ne parle pas d'esthétique, il n'y a pas de beau. Alors on peut toujours dire qu'une équation est belle et que je ne sais quoi. Mais néanmoins, la science en tant que telle, ce n'est pas censé être de l'art. Désormais, mais ces deux dimensions sont complètement incommensurables, et c'est ce qui fait dire à Bernard Charbonneau, il a cette phrase assez pessimiste, assez sombre, hein, où il dit « désormais, science et culture, c'est comme la nuit et le jour de nos sociétés, et on est désormais dans une situation un peu comme un schizophrène séparé entre son esprit et son corps qui n'arriverait pas à unifier les deux, attendant son suicide. » Donc là, on voit que c'est une... Il écrit ça, c'est, je ne sais plus la date exacte, c'est dans les années 1960 hein, que Charbonneau écrit ça, mais donc c'est très pessimiste, et ça montre en quelque sorte à quel point aujourd'hui on peut avoir cette dichotomie aussi. Des analyses très, très pessimistes, y compris chez des scientifiques, hein, qui expliquent le mur écologique, industriel, environnemental dans lequel on se dirige vraiment à toute vitesse, et en même temps une incapacité réelle politique morale à transformer cette question-là et à agir sur ce devenir. Maintenant, il nous reste encore à examiner les enjeux politiques, en fait, de la création de cette science au singulier. En particulier, ce que tu montres très bien dans le livre, c'est que l'érection de cette science au sens de catégorie universelle, absolue, pure, objective et neutre a aussi une fonction sociopolitique qui consiste à contrer toutes les contestations ouvrières, paysannes, qui se portent à l'époque sur le terrain de, à la fois de l'économie de marché et du machinisme, et d'ailleurs qui ne font pas de distinction entre les deux, hein, qui s'y opposent simultanément. Et au contraire, la science va être finalement une forme d'arme pour la bourgeoisie qui va permettre de faire la distinction entre l'économie et la machine, de légitimer le machinisme, de légitimer la réorganisation du travail artisanal sous une forme industrielle au nom du progrès, de la marche en avant de l'humanité. Alors, il y a peut-être à décomposer un peu ce mécanisme. Je ne sais pas si on peut parler de stratégie, si est-ce que c'est conscient de la part des acteurs ou pas. Ça, c'est une grande question d'une manière générale sur les idéologies. On se pose toujours la question, est-ce que c'est juste une vision du monde qui s'impose à un moment donné, ou bien est-ce que c'est un truc qui est conçu volontairement pour occuper une fonction stratégique dans un combat social. Enfin, je ne sais pas quelle est ton idée là-dessus, mais... Alors c'est une question de très grande ampleur, on peut y répondre de plein de façons, parce que déjà la réponse sur le cas français c'est pas exactement la même que sur les autres pays. La science, qu'elle s'appelle Wissenschaft comme en Allemagne, ou science en France, même s'il y a des noms différents, enfin des vocables différents, on retrouve des mécanismes dont on va parler là tout de suite sur la question de l'expertise qui exclut le commun des mortels, ce genre de choses. Mais par contre il y a un contexte politique français qui est extrêmement spécifique et qui est vraiment les débuts de la Troisième République. Alors ça commence déjà sous le Second Empire, même si c'est de façon un peu différente. Mais la Troisième République va être le moment absolument crucial où la science, et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est conscient, alors chez une très petite minorité d'acteurs, mais des gens très intelligents comme Émile Littré, le fameux Littré du dictionnaire, qui est un philologue extrêmement reconnu à l'époque, qui a beaucoup travaillé de textes, que ce soit en sanskrit, en grec, en latin, qui a travaillé la médecine aussi, qui a été secrétaire de l'académicien Pierre Barru, qui a publié une immense histoire de Venise, bref, donc il est dans un univers intellectuel et académique extrêmement florissant, et Littré va avoir une analyse qui est absolument centrale au niveau politique et qui sera en gros peu ou prou reprise ensuite par tous les ténors de l'éloquence et de l'oratoire républicaine de la Troisième République. Donc en premier lieu Jules Ferry, qui va lui-même en quelque sorte prêter jusqu'à un certain point allégeance, même si c'est simplement une forme de rhétorique, hein, mais aux thèses de Littré. Alors que fait Littré? Quelle est son analyse? Je vais être obligé d'aller forcément très vite, mais en même temps, voilà, je pense que c'est central pour comprendre la situation politique de l'époque. En gros, depuis la Révolution française, il y a un grand problème depuis 1789 qui est qu'on n'arrive pas à finir cette révolution. C'est surtout en fait ce que les acteurs disent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a tout à l'heure cette phrase qu'on a lue d'Émile Zola, hein, la science va clore la révolution, et tout le monde a ce sentiment qu'en gros de 1789 jusque dans les années 1870, au moment de la Commune, hein, eh bien on n'arrive pas à en finir avec cette révolution. L'analyse de Littré est la suivante, il dit on a deux phénomènes qui s'opposent. On a l'ordre, notamment l'ordre industriel, mais l'ordre, et le problème c'est que quand on tire les sociétés du côté de l'ordre, eh bien ça produit des régimes très autoritaires, et donc les gens sont très énervés parce que c'est trop autoritaire, et donc on veut mettre le balancier dans l'autre sens, non plus vers l'ordre, mais vers la liberté. Mais à ce moment-là, ça produit d'autres phénomènes, qui sont des phénomènes de révolution, avec des gens qui descendent dans la rue, des barricades, des insurrections. Et le problème, c'est que quand on tire trop du côté de la liberté, eh ben, les bourgeois sont pas contents, les industriels, les politiques, c'est très compliqué, ils sont pas d'accord. Et donc, on tire du côté inverse et on produit cette fois-ci à nouveau un régime fondé sur l'ordre. Et il analyse comme cela, en gros, un siècle d'histoire politique, de 1789 jusque dans les années 1870. Et donc les républicains ont vraiment ça en tête, ils se disent... En fait, on a eu un siècle de boxons innommables au niveau politique et on s'en sort pas parce que soit on tire trop vers la révolution et il y a des problèmes parce que l'ordre n'est pas maintenu, notamment l'ordre industriel, soit on tire trop vers l'ordre et dans ce cas-là, la liberté n'est pas maintenue. Et donc, il faut qu'ils trouvent un moyen pour faire coïncider ces deux choses. Il faut bien comprendre, ce sont des choses qui rationnellement sont incompatibles dans leur vision, hein, puisqu'ils disent il faut à la fois que la société reste sur des rails qui sont bien, bien établis et en même temps que tout le monde puisse démocratiquement discuter de tout. Et ça, c'est très compliqué, parce que si tout le monde a le droit de discuter de tout, eh bien, il n'y a aucune garantie que la société continue et reste dans les rails qui ont été établis, notamment au niveau industriel. Et leur pirouette intellectuelle, mais qui ne sera pas seulement une pirouette, qui va vraiment définir le programme social, pédagogique, politique et économique de la Troisième République, va consister à dire, on va faire tenir ces deux choses en même temps par une dimension fondamentale qui est l'éducation à la science. Alors ça c'est un terme qui peut être très mal compris. L'éducation à la science, ça veut pas du tout dire qu'on va vraiment apprendre aux enfants dans les écoles maternelles à faire des véritables expériences comme le font les savants. Ah non non, c'est pas du tout ça. Il faut éduquer les enfants à la science mythologique en fait, à cette idée selon laquelle la science nous montre le futur de l'humanité. La science nous montre le fait que c'est l'avenir qui se trouve dans l'industrie. Et donc on va avoir plein de statues qui vont fleurir partout. Le grand effort d'édification de statut de la Troisième République, ce sont pas des généraux, ce sont pas des militaires, ce sont pas des hommes politiques, hein, qui sont, même si on trouve des statuts de Jules Ferry bien sûr, mais la majorité des statuts édifiés sous la Troisième République, ce sont des statuts d'inventeurs, des statuts de scientifiques. Et la même chose, les programmes scolaires vont être transformés pour que l'on apprenne que Galilée a révélé la vérité du monde, qu'il s'est opposé à l'Église. Ce que font en fait les républicains à la suite de l'analyse de Littré, c'est la chose suivante, ils disent, et l'analyse est très lucide hein, de leur point de vue, ils sont très embêtés politiquement sur leur gauche et sur leur droite. Sur leur gauche, ils sont embêtés parce qu'il y a des gens, des socialistes, des anarchistes, toute obédience confondue, qui disent « Nous voulons l'égalité tout de suite, maintenant, nous voulons descendre dans la rue pour obtenir l'égalité. » Ces gens-là, ils les embêtent, les républicains, parce que les républicains, ils sont au pouvoir, ils veulent pas qu'on foute le bordel dans leur république, et donc ils veulent pas qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue. Je caricature, mais c'est l'idée. Et donc ils disent quoi? Ils disent, eh bien, ces gens-là, on va leur expliquer qu'ils ont à la fois raison, mais ils ont surtout tort. Parce qu'ils veulent l'égalité, ça c'est une bonne idée, nous on est d'accord avec ça. Mais l'égalité, grâce à la science et au progrès, ils l'obtiendront à terme. Donc il faut pas descendre dans la rue, il faut pas vouloir des révoltes et des révolutions et des insurrections. La science nous garantit qu'à terme, on aura l'égalité. Et donc tout le monde qui apprend ça dans les écoles sait qu'on n'a pas besoin de se révolter parce qu'à terme, on aura cette égalité. Ça c'est sur la gauche des républicains. Sur leur droite, ils ont un certain nombre d'orléanistes, bonapartistes, motarchistes qui sont généralement dans l'ensemble alliés aux catholiques, même si on peut à nouveau rentrer dans le détail infiniment. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, votre nouvel ordre républicain, on ne peut pas faire cela parce que, historiquement, c'est ce qui s'appelle la réaction. Hein. Les réactionnaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui disent, on ne peut pas transformer consciemment la société parce que le seul être qui peut faire cela, c'est Dieu. Et donc vous jouez à Dieu, en fait, en prétendant pouvoir faire votre république et transformer consciemment le devenir politique des sociétés humaines. En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Ce que disent les réactionnaires, ils disent, bah c'est terrible, ça va produire la terreur, à chaque fois c'est des massacres, c'est horrible, et donc il ne faut pas faire cela. Que disent les républicains sur leur droite pour pouvoir faire taire ces gens-là? Ils leur disent, la science, elle montre que vous avez tort, la science montre que la Bible c'est faux, c'est pas 5000 ans ou 4000 ans pour l'être humain, c'est beaucoup plus, ce n'est pas Adam et Ève au départ, mais ce sont plein de peuplades très différentes, bref. À tous les niveaux, la science permet de dire que la Bible et donc ses tenants d'une droite religieuse ont tort. Donc, grâce à la science et au programme d'éducation de la population par la science, eh bien, les républicains vont pouvoir avoir gain de cause au sein de l'arène politique. C'est pour cela, c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre la citation d'Émile Zola que Patrick a cité tout à l'heure, hein, quand il dit « Je crois en la science parce qu'elle est la solution aux problèmes qui ont été ouverts par la Révolution et la science va clore la Révolution », c'est en ce sens-là. Et donc on comprend aussi du même coup pour quelle raison c'est sous la Troisième République que d'un seul coup le ministère de l'Instruction publique, ça devient absolument central. Et la quasi-totalité des présidents du Conseil, c'est l'équivalent de nos premiers ministres aujourd'hui en fait, qui sont des gens qui sont parfois plus importants que les présidents, quasiment tous les présidents du Conseil de la Troisième République ont fait un passage par le ministre de l'Instruction publique et des cultes. À l'époque les deux sont liés puis finalement c'est séparé à terme. Sous la Troisième République, c'est l'inverse. Jules Ferry est d'abord ministre de l'Instruction publique et tout son programme politique consiste précisément à dire « Nous allons enseigner la science dans les écoles pour stabiliser notre régime ». Je cite Jules Ferry ici. « Quand nous parlons d'une action de l'État dans l'éducation, nous attribuons à l'État le seul rôle qu'il puisse avoir en matière d'enseignement et d'éducation ». L'État n'est point docteur en mathématiques, en physiologie, en chimie. S'il lui convient à l'État, dans un intérêt public, de rétribuer des chimistes, des physiologistes, s'il lui convient à l'État de rétribuer des professeurs, ce n'est pas pour créer des vérités scientifiques. Ce n'est pas pour cela que l'État s'occupe d'éducation. L'État s'occupe d'éducation pour maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation. Donc là, Jules Ferry le dit très clairement, hein, l'État s'occupe de la science et de l'éducation pour stabiliser son assise, pour maintenir le pouvoir qui existe. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ce dogme de la science, cette foi dans la science, qui permet à la bourgeoisie, aux républicains d'asseoir leur pouvoir, ça leur permet en fait de rassembler, d'unir la communauté nationale, toutes classes confondues, autour de cet idéal de l'industrie et du progrès. Mais paradoxalement, du côté de la classe ouvrière, c'est-à-dire de ceux qui seraient censés s'opposer justement à cette république et à cet établissement du machinisme et de l'économie de marché, dans la classe ouvrière, eh bien, il y a aussi cette foi scientiste qui se met à s'imposer. Et notamment par l'intermédiaire d'un mouvement qui est un peu oublié aujourd'hui, même si le terme est resté, qui est le mouvement positiviste, Auguste Comte, et puis peut-être derrière aussi le saint-simonisme qui fait partie de ce que Marx et Engels désignaient parmi les socialistes utopiques. Ces courants-là partage aussi cette foi de la science et du progrès, et ils finissent par l'instiller à l'intérieur de ces mouvements de la classe ouvrière qui pourtant sont hostiles au progrès dans sa variante capitaliste. Alors, c'est des mouvements très complexes dont tu parles là, mais c'est absolument central en effet. Dès le début du saint-simonisme, il y a la visée que c'est l'industrie qui va révéler le futur de l'humanité et que c'est cette voie qu'il faut prendre. Auguste Comte, qui va être le fondateur du positivisme dans ses multiples variantes, est au départ le secrétaire de Saint-Simon, puis ils vont se brouiller. Et c'est aussi la doctrine conscienne qu'on appelle le positivisme. Alors, positivisme, ça ne veut pas dire qu'il faut positiver, hein. C'est pas ce sens-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fondé sur des faits positifs, qui ne sont donc pas des faits métaphysique. Et donc, Comte dit, il faut révéler la science positive à la population. Et donc, il va avoir toute une œuvre, il va faire des cours publics qu'il va professer, des cours populaires, d'astronomie populaire, ce genre de choses. Hein. Et il dit, il faut révéler les savoirs positifs à la population, et tout ceci va, même si c'est un mouvement assez complexe, donner naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la vulgarisation. On a du mal à se rendre compte, parce qu'aujourd'hui, on a 3-4 revues qui se battent en duel, Science et Vie, La Recherche, Science et Avenir, ce genre de choses. Hein. Mais dans les années 1850-1870, c'est près de 50 titres hein, qui se battent pour obtenir, en effet, l'audience du lectorat de l'époque. Et il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toutes les bourses. Il y a des feuilles de choux à quelques centimes qui sont diffusées à la sortie des usines auprès des populations ouvrières. Il y a des livres dorés à leur fin qui sont offerts par la bonne bourgeoisie au moment des étrennes à leurs pupilles. Donc on a vraiment un mouvement extrêmement vaste de vulgarisation scientifique qui va faire que toute la population va être éduquée à la science et va découvrir plusieurs choses, à savoir tout d'abord que ce sont les scientifiques qui ont révélé la destinée de l'humanité. C'est Galilée qui a dit la vérité du monde, c'est Newton, c'est tous ces grands noms qu'on connaît aujourd'hui. Et deuxième élément, ils vont apprendre que ce qui est le plus vrai, ce n'est pas ce que eux pensent avec leur sens commun être le plus vrai. Leur univers n'est pas constitué, je sais pas, de vaches, de légumes, de choses comme cela. C'est la science qui dit la vérité du monde et qui appelle ces choses-là, eh bien, des mammifères, des ombellifères, des graminées, tout un tas de termes. Désormais, c'est la science qui dit le réel de l'univers humain. Et ça, ça veut dire que désormais, eh bien, par défaut, les populations acculturées à la science, eh bien, auront considéré, en quelque sorte, ne pas être détentrices de la vérité du monde. C'est là qu'on peut aussi parler de catéchisme. Cette idée selon laquelle la religion endort le peuple parce que on lui fait croire à la vie future et donc comme ça il a plus besoin de se révolter tout de suite. Au fond c'est la même pirouette. Hein. C'est le fait de dire ne vous énervez pas pour obtenir l'égalité tout de suite et maintenant. Oui bien sûr il y a des inégalités très fortes dans les usines. Évidemment le travail est très dur. Il y a des gens qui meurent dans des bassines de soude etc. Mais néanmoins à terme on aura l'égalité. À terme grâce au progrès ce sera super. Ce sera radieux. Et donc science et progrès c'est vraiment ce couple hein, qui une fois qu'il sera infusé dans la population fera qu'on ne se révoltera plus contre le devenir industriel et scientifique des sociétés. D'ailleurs, c'est une foi dans le progrès qui va se poursuivre aussi dans le mouvement marxiste qui se définit comme un socialisme scientifique. C'est le mot de Michel Perrault. Hein. Elle dit, à partir de cette époque, les ouvriers ne s'opposent plus aux machines en tant que machines. Ils les caressent pendant les congrès, ils les regardent avec un œil extrêmement bienveillant. Et elle dit, c'est une alliance terrible qui s'opère parce que depuis la bourgeoisie libérale jusqu'au socialisme scientifique, on a un spectre qui à la fois peuvent avoir l'air très diverses, mais qui au fond ne discute que de la répartition des bienfaits de l'industrie, qui ne discute plus jamais des bienfondés de l'industrie en tant que tel. Mmh. Finalement, le mouvement ouvrier ne va pas se relever, en fait, va être littéralement achevé par ça, puisque dans le moment de la plus profonde de ces crises, c'est-à-dire à la fin des années 30, tout ce que tu dis me fait penser à un texte de Walter Benjamin, les thèses sur la philosophie de l'histoire, où il dit voilà, le mouvement ouvrier est mort de sa croyance du fait qu'il nageait dans le sens de l'histoire, qu'il nageait dans le sens du courant. Et que finalement, le développement de l'industrie a mené à terme une libération parce qu'il établissait la base nécessaire pour la construction du communisme. Et en fait, 1939, c'est justement le moment où on se rend compte que la base industrielle, elle n'a pas amené le communisme, mais elle amène plutôt les bombardements. Quoi. En quelque sorte, le mouvement ouvrier ne s'est pas relevé en fait, de cette fois dans la science et dans la technique. Il me semble que cette analyse est vraiment très juste hein, et que toutes les tentatives de transformer les relations sociales et politiques en oubliant qui va vraiment être, c'est pour ça que le marxisme va être assez fort, en oubliant que ces relations sont jusqu'à un certain point déterminées par la structure matérielle, donc industrielle, du monde, eh bien, quand on oublie ça, on est en quelque sorte perdu. Parce qu'on peut essayer de transformer le monde politiquement, mais nos relations sont déjà en quelque sorte, pas totalement, mais en partie déterminées par les objets techniques autour de nous. On peut vouloir un communisme aujourd'hui, mais si on n'a pas conscience que Internet, au-delà des réseaux, des partages et de tout ce que l'on entend toujours, eh bien, ce sont des data centers, on a des dizaines de milliers de machines qui polluent plus que la vie radiation, qui se retrouvent dans des centres qui sont plus sécurisés qu'un certain nombre de centres militaires, qu'il n'y a que quelques personnes qui sont capables de faire tourner ces choses-là pour qu'elles continuent à fonctionner. Et que aujourd'hui, les contrats pour assurer la livraison notamment du fuel, hein, pour que en cas de problème électrique, ces centres, ces data centers puissent tourner, ce sont des contrats qui sont de niveau militaire. On fournit avant même les hôpitaux les data centers, parce que les données qui transitent là-dedans sont absolument centrales pour que le régime puisse continuer à fonctionner. Donc si on oublie cela, eh bien on peut bien dire que Internet, on va pouvoir s'en servir bien, ou etc. Mais est-ce qu'on rate quelque chose de fondamental, à savoir le fait que nos relations politiques, économiques et sociales sont déjà surdéterminées en quelque sorte par cet univers industriel et matériel qui est déjà produit en tant que tel dans ce cadre-là. Et en effet, je crois que ton analyse, elle est vraiment très juste. Dès les années 30, il y a un certain nombre de penseurs et d'ailleurs de mouvements aussi qui commencent à percuter qu'on ne pourra pas socialiser jusqu'au bout ces machines-là. Et que qui dit industrie dit déjà dépossession de la maîtrise technique sur ces conditions de vie. Et que quand on est dépossédé de cela, eh bien jusqu'à un certain point, on a déjà perdu. On ne pourra pas transformer le monde en un sens plus égalitaire. Bon, alors c'est sur cette perspective un peu sombre qu'on va faire une pause avant d'en arriver aux enjeux plus actuels des conclusions de ton livre. Écoutez Radio Zinzine et c'est l'émission Racine de moins 1. Aujourd'hui, c'est Guillaume Carnino qui nous parle de son ouvrage L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel qui est paru aux éditions du Seuil en 2015. Et on va rester encore avec Guillaume Carnino pour quelques minutes où il va nous parler un peu des enjeux entre science et démocratie. Terme de notre discussion, on peut peut-être en venir à des enjeux plus actuels. Pour l'instant, on était dans l'histoire, bon, même si on a vu que ça avait pas mal de résonance avec les luttes sociales et même avec ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde de la recherche. D'après toi, est-ce que cette science comme foi, comme religion de l'âge industriel s'est perpétuée au-delà de la Troisième République jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends par là la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle et peut-être même la période actuelle. Alors c'est une question complexe, je ne peux pas y répondre ni par oui ni par non, mais je vais quand même essayer de donner quelques éléments qui me semblent flagrants aujourd'hui. Déjà en fait la science elle rentre en crise dès 1896, à l'époque on parle de crise de la science, et on comprend pourquoi, parce que tout le monde a vanté pendant près d'un demi-siècle le fait que la science était la panacée ultime de l'humanité. Voilà, au bout d'un moment on s'aperçoit que en 40 ans ça n'a pas non plus complètement, ça a transformé le monde, mais pas forcément toujours de la façon dont on l'imaginait. Donc déjà dans les textes, à la fin du 19e, on trouve l'idée de crise de la science. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va plus croire à la science au 20e siècle, hein. Le 20e siècle, siècle sera vraiment très féru. Et le 8 août 1945, Le Monde titre son article, donc au moment où on vient d'apprendre l'usage de la première bombe atomique sur Hiroshima, l'article est titré « Une révolution scientifique ». Donc il faut quand même oser, face à plusieurs centaines de milliers de morts, hein, titrer ça « Une révolution scientifique ». Et le cœur de l'article parle vraiment de cette nouvelle avancée incroyable qu'est la bombe atomique. Donc là, on voit que la foi en la science, elle ne disparaît pas du tout. Et il y aura diverses batailles, même s'il va falloir attendre principalement... les surréalistes s'intéressent déjà à la critique de la science. Ils disent qu'il faut vider les laboratoires dans l'un de leurs textes. Mais c'est surtout à partir des années 60 et 70 qu'on va voir émerger, notamment en France, autour du groupe Survivre. Il y a un très bon livre coordonné par Céline Pessy qui parle de cette histoire-là, hein, du groupe Survivre, qui a élaboré une critique assez virulente de la science comme étant vraiment, pas seulement complice, mais actrice des problèmes principaux du monde contemporain. Mais donc, au cours du XXe siècle, en fait, ce qui va se passer, c'est que le discours, en gros, de la science et du progrès, qui est le couple qui, en permanence, est mis en avant au XIXe siècle, qui est ce couple censé résoudre tous les maux de l'humanité, bah, quand on est passé par deux guerres mondiales, par la Shoah, par un certain nombre de catastrophes qui soient plus ou moins environnementales, et qu'on commence à se poser des questions sur les limites de la croissance, les débuts du dérèglement du climat, qu'on a Rachel Carson qui écrit en 1962 « Printemps silencieux » et qui dit que les pesticides vont engendrer des problèmes sanitaires majeurs. Bref, quand on en est passé par tous ces événements, à la fin du XXe siècle, il est plus délicat de dire, sans que tout le monde se marre, que oh, la science et le progrès, c'est le futur radieux de l'humanité. Tout le monde a en tête des contre-exemples, des choses qui sont un peu plus délicates. Et il me semble que dans cet univers, il me semble que ce qui se joue du point de vue du mécanisme de la perception du temps, c'est ce que décrit très bien Hartmut Rosa, un phénomène d'accélération. Au lieu d'avoir un futur radieux qui est très loin dans l'avenir, on va plus être dans le très loin, on va raccourcir l'échelle de temps. Et on va dire, peut-être que à terme, on ne sait pas ce que ça deviendra, c'est très compliqué, on ne prétend plus avoir des prophéties temporelles, mais par contre, dans 5 ans, telle innovation va produire des choses géniales, et donc il faut aller dans ce sens. Et donc on va voir un raccourcissement temporel, et je pense que jusqu'à un certain point, c'est la thèse que défendent notamment Pièce et Main d'œuvre sur la question de l'innovation, hein, ils disent « l'innovation, ce sont les scories du progrès. C'est ce qui reste du progrès quand tout a été passé au crible de l'histoire du XXe siècle, et qu'en gros, on ne peut plus croire à un progrès radieux. Je pense qu'on peut faire exactement la même analyse sur la science. La science, on n'y croit plus en tant que la singularité qui va produire le futur radieux de l'humanité, désormais on parle de recherche. Et donc le couple science et progrès s'est dégradé en quelque sorte en recherche et innovation. Et aujourd'hui, je pense qu'on retrouve ce catéchisme-là dans l'ensemble de la société, hein. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, c'est par la recherche et l'innovation qu'on va nous sauver des dangers climatiques, du réchauffement, de la pollution, de tous les problèmes sociaux et de tout ce que l'on veut. L'innovation et la recherche sont les clés du développement de l'humanité. Après, évidemment, il est plus rare de trouver des textes aujourd'hui qui disent que l'innovation va sauver le monde dans 3 siècles. On dit plutôt qu'à l'échelle de 15 ans, on va trouver des problèmes et des solutions aux problèmes liés à la crise climatique ou à je ne sais quoi. Voilà, je pense qu'on a cette dégradation qui a eu lieu, mais qui est en adéquation avec l'échelle de temps dans laquelle on vit. Mmh. Un temps très court, orienté vers l'immédiateté, qui va lui aussi d'ailleurs très bien avec les technologies qui sont autour de nous, qui sont orientées vers cette immédiateté, ces saccades permanentes que l'on vit. D'ailleurs, c'est amusant parce que là aussi, comme au 19e siècle, on retrouve des déclarations complètement scientistes du côté des personnes qui se prévalent d'une contestation de la société. Pour citer un exemple, on a une association qui s'appelle Science Citoyenne, qui est assez réputée, qui est dirigée par Testard, qui est l'inventeur du bébé éprouvette, inventeur repenti, et qui aujourd'hui revendique en quelque sorte que les citoyens prennent en main la question de la recherche, des impacts sociaux et sanitaires de la technoscience, donc qui prétendent contester l'organisation de la recherche scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pourtant, voilà ce qu'on trouve dans la déclaration de l'association Science Citoyenne. Je cite ces quelques phrases qui, à mon avis, relèvent complètement de la religion de la science telle que tu la décrivais. Voilà ce que dit l'association. « Moteur d'émancipation pendant plusieurs siècles, la science est aujourd'hui un formidable pouvoir. Pour servir le bien-être de l'ensemble des êtres humains de notre planète, ce pouvoir requiert d'autres pilotes que la seule volonté de savoir, le désir de puissance ou les logiques de profit. Et donc, la Fondation Science Citoyenne a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science afin de la mettre au service du bien commun. » Donc là aussi, on retrouve finalement tous les poncifs, tous les clichés de cette religion de la science que tu énonçais tout à l'heure, à commencer par le fait de parler de la science. Encore une fois, la science, moteur d'émancipation, la science, formidable pouvoir qui va servir le bien-être de l'ensemble des êtres humains sur notre planète. Enfin bon, on est encore dedans, quoi. Ce discours, en fait, ce que dit Science Citoyenne, ils font le même coup que ce que les marxistes ont raconté sur l'industrie, en disant c'est pas l'industrie qui est en cause, il faut simplement se réapproprier les moyens de production. Là, c'est la même idée. La science en tant que telle, ça poserait pas de problème, il faudrait juste pouvoir socialiser. Mais il me semble que si on ne mêle pas ces deux dimensions, on ne pourra pas se réapproprier l'un sans se réapproprier l'autre. On ne peut pas se réapproprier les savoirs sans se réapproprier aussi les structures de production matérielle du monde. Et on ne peut pas se réapproprier les structures de production matérielle du monde si on pense que ce sont des gens qui connaissent la vérité et que nous on ne sait rien. Pour en venir à la question de la définition, parce que je voudrais pas que mon propos soit non plus entendu de façon totalement relativiste sur le mode on peut croire au créationnisme, c'est pas plus vrai que ou plus faux que l'évolutionnisme ou je ne sais quoi, même si l'évolutionnisme semble être aussi à critiquer parce qu'il y a des passerelles avec certaines formes de croyances industrialistes et de sélection par les plus aptes, les plus économiques, etc. Mais néanmoins, je pense que là, la question de la définition doit se poser, et notamment dans le fait que je ne dis pas, en tout cas je ne prétends pas dire, c'est pas pour ça que j'avais écrit ce livre, que toutes les connaissances se valent. Se réapproprier, ça veut dire aussi se réapproprier les moyens de produire des connaissances qui nous semblent vraies. Ça veut pas dire vraies de toute éternité, où on est sûr que jusqu'à la fin des temps tout le monde pensera la même chose, mais en tout cas qu'on pense que c'est suffisamment vrai pour pouvoir le défendre. Et là, je crois que ça vaut le coup de rentrer sur cette question de la définition de la science, parce que justement je pense qu'en fait on a perdu, si on veut définir la science. Parce que la science, c'est un compromis qui met des choses qui n'ont rien à voir ensemble. La science, si on lit aussi bien les écrits du 19e que même ce qu'on a raconté aujourd'hui, en fait, il y a deux idées très contradictoires dans l'idée de science. Il y a à la fois l'idée que la science est neutre, objective, impersonnelle, et en même temps le fait que c'est la science qui transforme et qui produit le monde. Et ça, c'est jusqu'à un certain point totalement contradictoire. La science ne peut pas être neutre, objective, ne rien promettre à personne, et en même temps tout promettre la transformation du monde et donc n'être responsable de rien en même temps. Là, il y a une forme de contradiction. Et je crois que cette contradiction, elle est à la base, parce que c'est historiquement c'est le produit d'un compromis social et politique, la définition de la science. Et ce compromis, il est précisément contradictoire parce que les forces sociales étaient contradictoires à un certain point, jusqu'à un certain point qui a donné une forme d'unité, comme on a essayé de le voir au cours de cette émission. Néanmoins, aujourd'hui, si on ne prend pas pour acquis qu'il y a toujours une forme de contradiction dans le vocable de science, eh bien on rate quelque chose et on pense qu'on pourra la définir de façon pure ou de façon je ne sais quoi. Il me semble que l'enjeu, c'est précisément de dire que ce n'est pas de savoir ce que c'est que la science, parce qu'on a une infinité de définitions. Et est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'un botaniste, il fait la même chose qu'un astrophysicien ou qu'un physicien des solides ou que quelqu'un qui fait de la chimie combinatoire? C'est pas du tout évident, même s'il y a des normes de rationalité qui peuvent se retrouver dans ces diverses productions intellectuelles. Mais il me semble qu'ici, il faut inverser la question. Non pas qu'est-ce que la science, mais pourquoi est-ce que l'on parle de science? Et là, on s'aperçoit de quelque chose qui est absolument trivial, qui est que deux scientifiques qui discutent entre eux de la validité de leur théorie, ils ne parlent jamais de science. Ils n'en ont pas besoin. Ils vont se houspiller sur est-ce que telle expérience a été bien réalisée? Est-ce qu'il y a des erreurs de calcul? Est-ce que tes présupposés et tes hypothèses sont les bons? Mais ils n'auront pas besoin de mobiliser la science. Qui c'est qui parle de la science? On trouve ça dans la vulgarisation, pour expliquer au peuple quelle est la vérité révélée. Et surtout, on trouve ça, c'est ce que j'ai essayé de voir dès le 19e, mais qui me semble toujours valable aujourd'hui, du côté des experts qui veulent faire taire des controverses. Dans les années 1870-80, on déverse tous les égouts de Paris sur la presqu'île de Gennevilliers. Les gens, ils ont 2 mètres de merde dans leur cave, ils sont pas contents, ça va jusqu'à l'Assemblée, il y a des pétitions, c'est un foin pas possible. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? On voit apparaître des ingénieurs de la ville de Paris qui disent « La science a montré la voie, il n'y a pas d'autre voie possible que de déverser les égouts sur la presqu'île de Gennevilliers ». Souvenez-vous, déjà, Galilée a eu des opposants obscurantistes qui refusaient le progrès, et c'est employé tel quel par un député, le député Krantz à l'Assemblée nationale. Il dit « Souvenez-vous, en effet, de cette affaire, Galilée. C'est la même chose. On a des obscurantistes qui refusent le progrès. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Fukushima, tout ce que l'on veut comme catastrophe, comme problème, on a des experts qui viennent nous expliquer que « Mais à Fessenheim, tout va très bien, les normes sont respectées, les experts ont certifié que tout se passe vraiment, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Circuler, il n'y a rien à voir. » Je crois que le message de la science au singulier, c'est ce message d'exclusion au fond, qui consiste à dire « Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas. » Et ça, c'est un problème fondateur pour la démocratie, parce que la démocratie, que ce soit à 4 dans une petite association ou à plusieurs millions dans une nation ou à même à l'échelle de la planète, le problème de base, c'est de savoir qui est dedans, qui est dehors. Est-ce que les étrangers, les femmes, les enfants, les gens au-delà d'un certain âge, et je ne sais quoi, et historiquement, il y a eu plein de réponses très diverses. Donc, ce problème de définition, de savoir qui est dedans et qui est dehors, qui a le droit de discuter de certaines choses, eh ben, invoquer la science, ça résout ce problème-là. Parce que ça permet de dire, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas, ils n'ont pas voix au chapitre pour les questions, qui me semblent les questions les plus centrales, qui sont celles du devenir industriel, matériel et scientifique de notre monde. À partir du moment où on a accepté cette partition entre le profane et le sacré du côté du clergé, le catéchisme scientifique qui dit la vérité du monde au peuple qui n'y connaît rien, je pense qu'on a perdu. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas chercher à définir la science, mais à montrer le jeu de dupes qui est à la base de ce que l'on a appelé historiquement la science. Tant qu'on n'aura pas remis ça en question, on aura beaucoup de mal à reprendre en main notre destinée. Vous écoutez Radio Zinzine et c'était donc une interview avec Guillaume Carnino qui commentait son ouvrage, enfin qui présentait son ouvrage « L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel » paru aux éditions du Seuil en 2015. Et voilà Guillaume Carnino qui a participé aux éditions L'Échappée. Il est aussi l'auteur de « La tyrannie technologique, critique de la société numérique » publié donc en 2006 et « Les ludites en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation paru en 2011 aux éditions L'Échappée. Donc cette émission se termine. Je voulais remercier Radio Libertaire d'avoir mis en ligne son émission Offensive Sonore, duquel cet enregistrement est tiré, et aussi à la Bibliothèque Associative de Malakoff qui a mis en ligne l'enregistrement de Radio Libertaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Société industrielle, présentée par Radio Zinzine.